J'ai grandi sans parents, donc je fais ce que je veux. Je suis seul dans le TGV, connais pas mon vécu. Tu sais ce que j'ai vu. Monsieur, qui êtes-vous? Toi t'avais un papa, moi un éducateur. Toi t'avais une maman, moi un éducateur. Toi t'avais une famille, moi une famille d'accueil. Oh oh oh oh. On vit pour la famille, on meurt pour la famille. Mais moi je peux pas le dire. On vit pour la famille, on meurt pour la famille. Peut-être avec toi je pourrais le dire. Ça va, ça vient. Du mal à avancer, mais ça va. Donc là, il faut que je m'adapte. Comment je vais faire pour sortir de là? Mais j'ai pas le choix, tu sais pas comment c'est. Ma chérie, tu sais pas comment c'est. Why, lie, lie, lie, tu sais pas comment c'est. Non, tu sais pas comment c'est. Le soleil brille, pourvu que ça dure. T'es la première fille que je trouve sympa. Toi, ton papa t'apprenait à faire du VTT. Pendant que moi, deux doigts finir guette. Donc il faut que t'arrêtes. Faire ta princesse, mais pleine sans arrêt. Hein? T'es mignonne, c'est vrai. Comme madame est mal, le monde s'arrête. On vit pour la famille, on meurt pour la famille. Est-ce qu'avec toi je pourrais le dire? On vit pour la famille, on meurt pour la famille. Peut-être avec toi je pourrais le dire. Ça va, ça vient. Du mal à avancer, mais ça va.